Le Radioton de CKRL qui se passe ici, au 405 3e Avenue. Je le sais qu'il a neigé, il y a à peu près un demi-pied là qui est tombé dans la nuit. C'est déprimant, mais il faut avoir une attitude positive. Il faut se promener, il faut sortir, et vous venez assister à nos émissions. On a fait une grande programmation, environ une trentaine d'émissions, et puis vous pouvez y assister. Donc, on a plusieurs artistes qui seront là, personnalités, d'ici la fin de la semaine. Le Machin Club, entre autres, des enfants qui sont là, qui vont interviewer des personnalités de Québec. On a Philippe Braque, on a Émile Proucloutier, la journaliste Noémie Mercier, un 6 à 8 gourmand. Donc imaginez, si vous restez à la maison, vous ratez tout ça. Si jamais vous restez à la maison, vous allez sur notre site internet, vous faites un don ou vous misez sur notre lot d'encan, sur nos lots d'encan, par téléphone au 418-640-2575. Et il y a même Amassan qui va venir s'installer dans les prochaines minutes avec des massages sur chaise, 10 $, 10 minutes ou plus long. Mais bref, c'est 1 $ la minute et c'est tout au profit de CKRL. Alors ça, c'est le meilleur deal sur Terre, je le rappelle toujours. Mais pour l'instant, prochaine heure, on la passe avec l'humoriste Martin Perizzolo. Salut Martin. Bonjour Tania. T'es à Québec présentement, un spectacle hier, spectacle ce soir. Oui, à la salle Albert Rousseau. Puis c'est ça, hier, j'ai réalisé une chose. Tu sais, quand j'ai fini l'école, ça fait un peu plus de 20 ans que j'ai terminé l'école de l'humour. Et il y a Mike Ward, tu sais, qui est un gars d'ancienne Lorette, de oui. Québec. Tu sais. Puis il m'amenait faire des shows d'Agobert, qui était un endroit mythique à l'époque pour faire des shows. On arrivait là-bas, on était des jeunes humoristes, puis on jouait avec des Patrick Huard, avec des Jean-Marc Parent, avec, tu sais, il y avait des gros noms, ouais. des gens qu'on admirait, qu'on admire encore. Puis là, j'ai réalisé, ça m'a pris 20 ans de passer du Dagobert à Albert Rousseau. C'est quand même un long détour, parce qu'ils sont pas si loin que ça, ces deux places-là. Là, ça peut se faire en 10 minutes. Ouais. Puis c'est ça. Puis je suis vraiment content de d'être rendu où je suis. Puis on m'a parlé souvent, j'entendais mes collègues humoristes un peu plus établis me parler d'Albert Rousseau, comment c'est le fun jouer ben là. Oui. Puis, et c'est vrai. T'as compris là, de quoi compris il parlait. C'est ouais. quoi le l'engouement. C'est vrai que c'est le fun. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, comment. C'est peut-être la façon que c'est fait. C'est peut-être les abonnés de la salle qui sont généreux. On sent tout ce qui se passe sur scène. C'est une grande salle, mais on sent vraiment. On a un feeling intime quand même. Il y a quand même une proximité. Une proximité, oui, c'est vraiment le fun. Parce que le balcon, c'est haut aussi, là. T'as des gens... Oui, mais tu sais, moi, je suis à un point où je réussis pas à remplir le balcon. Okay. Tu comprends? Fait que j'ai ouais. pas à m'en faire avec ça. Je remplis les côtés en haut, je remplis le parterre, mais pas encore le balcon. Peut-être à mon prochain show, je vais remplir le balcon. Mais là, peut-être ce soir, tout le monde va acheter des billets pour le spectacle. Peut-être ce soir, les gens ouais. vont être tannés de la neige, puis vont dire, on va s'enfermer dans une salle, puis on va rire. Ouais. Quoique moi, la neige, elle m'a pas dérangé ce matin, parce que les derniers jours, il faisait froid. Ouais. Puis là, matin, on est bien quand même à cause de la neige. Ça... Ouais. Et fait que moi, je préfère la neige au froid. Ben voilà, attitude positive. Hein? Ben oui. C'est ce qu'on veut ce matin. Oui. Ben, Martin, tu dis que ça fait 20 ans que tu as terminé l'école de l'humour, mais c'est ton premier one-man show, nous, que tu es en train de tourner présentement. Mais tu as fait plein de choses. Mais oui. surtout dans ta carrière, ce qui marque, c'est que tu as eu des personnages vraiment très marquants. Oui, c'est très vrai. Important. Les gens ne connaissaient peut-être pas ton nom, mais connaissaient le personnage. Oui, connaissaient le visage, oui. Oui. Ouais. J'aimerais qu'on fasse le tour de ces personnages-là. Ben oui, allons-y. En commençant par Poudy. Poudy. Oui, dans Poudy. Le gros show. Dans ouais. le gros show. Le gros show. Yes, le gros. Un personnage de tata, de coupe Longueuil, que je faisais avec Mike. Lui, interprétait Chabot. Il y avait Mario Rock avec nous autres. Puis c'était vraiment... Ça a été le projet le plus difficile à faire, le moins payant, parce qu'on faisait tout nous-mêmes, puis on était payés vraiment... c'était des fonds de tiroir de budget. Puis, mais l'affaire la plus tripante que j'ai fait, qui m'a appris beaucoup, en fait, qui a changé un peu ma vision du travail quand j'ai travaillé là-dessus, parce que pour la première fois de ma vie, j'essayais de d'écrire les affaires les plus stupides possible, en fait. Puis j'avais jamais essayé de faire ça. Je pense qu'avant, j'avais un complexe, puis j'essayais d'écrire les affaires les plus intelligentes possibles, tu sais, ouais. pour niveler vers le haut. Puis l'affaire que... C'était pas ça, là. Puis c'est ça, la première affaire qui a vraiment fonctionné dans tout le travail que j'ai fait, en tant qu'artiste, je veux dire, qui écrit puis qui joue ses affaires, là, tu sais, ça a été cette chose-là, là, écrire les choses les plus stupides puis être le personnage le plus stupide possible. C'est ça qui a fonctionné. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a éveillé, ouvert à une autre façon de voir mon travail. Parce que c'est pas parce que c'est stupide que c'est facile à écrire pour autant? Ben non. Il y a des affaires stupides faciles à écrire, mais il y a des affaires où, tu sais, on mettait quand même le gros show, il y avait quand même des valeurs, tu sais, il y a des valeurs qui étaient importantes pour moi, tu sais, la fraternité entre les deux gars, ça c'est quelque chose, tu sais, qui était, je me disais ça, on défend ça, tu sais, ça, cette affaire-là, ouais. on garde ça, tu sais, les deux gars, ils se tiennent, puis tu sais, c'est eux autres contre le monde, puis là, tout à coup, ça devenait comme, je sais pas, il y avait ce côté-là, cette espèce de... La solidarité aussi. Solidarité, ouais. D'amitié entre les deux gars. Tu sais, ça, c'était OK, ça, c'était important qu'on ait ça dans le show. Puis après ça, le reste, on déconne, mais je veux qu'on ait ça tout le temps, tu sais. Puis souvent, on avait le réflexe de faire, OK, les deux gars vont se bâcher, les deux gars vont s'écœurer. Puis on fait, ah non, ça, on va pas là. Faut qu'ils restent proches. Oui, faut que ces gars-là sont minables, mais... Ensemble. Ouais. Tu sais. Fait que ça, c'était le fun. J'ai mais comment ça a commencé? Ça vient d'où l'idée? Ça, en fait, de créer, c'est Mike avait une émission à Musique Plus à l'époque qui s'appelait le Mike Ward Show et il y avait du temps à remplir. En fait, il fallait qu'il produise du contenu, puis il produisait 90% de son contenu, mais il y avait il laissait de la place. Mike, c'est un gars hyper généreux, il laisse beaucoup de place aux gens, puis il m'a dit, si t'as quelque chose qui t'allume, vas-y. Il avait fait un personnage une fois à la télé, le personnage de Chabot, il l'avait fait une fois à la télé dans une émission à TQS à l'époque, maintenant V. Puis c'était le personnage de Chabot, puis moi j'avais capoté sur ce personnage-là, puis j'avais dit, écoute, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais ton personnage de Chabot qui chante des tunes des années 80, moi, j'ai capoté là-dessus, puis je veux faire de quoi avec ce personnage-là, tu sais. Fait que je vais essayer de me créer un personnage, ça va être deux chums, tu sais. On brainstormait comme ça, puis elle fait « OK, part », tu sais. J'avais écrit des capsules. Dans ce temps-là, j'écrivais pour un gars, une fille aussi à l'époque. Fait que j'étais comme habitué d'écrire des petites capsules, des petits sketchs. Fait que j'avais écrit un tas de petites capsules avec ces deux personnages-là. On leur a trouvé des noms, puis on leur a, tu sais, lui, il est resté Chabot, mais on a trouvé le nom de Poudy ensemble, puis on est allé acheter les costumes la veille du tournage, tu sais, au Village des Valeurs. On a fait, ah ouais, des chemises de karaté, ça c'est hot, tu sais. Puis là, on a construit ça de même ensemble, puis on a tourné ces petites capsules-là dans le gros show, puis ça a fonctionné, dans le Mike Ward Show, en fait, puis ça a fonctionné au bout. Puis rendu à l'été, Musique Plus a fait, hey, on a un fonds de tiroir de budget, est-ce que vous avez envie de faire de quoi? Amusez-vous. Puis là, on était des grands fans de les espèces de faux documentaires, puis les espèces de Spinal Tab. Puis il y a une gang, tu sais, aux États-Unis qui font ce genre de films-là, puis je pense en Angleterre aussi. Puis on était des fans de ça, puis on a dit, ah, on va faire ça, on va faire un espèce de faux documentaire, comme ça, ça coûte pas cher, c'est juste un... Tu sais, même si on voit le perchiste dans l'image, on s'en fout. C'est pas grave, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait ça, on a écrit nos scénarios, le gros show, on écrivait ça, on partait le lundi matin, je commençais un épisode, lui commençait un épisode aussi de son côté. Le mercredi, on s'envoyait ce qu'on avait, des fois, on n'avait pas de fin, des fois, on n'avait pas de milieu, des fois, on avait juste des idées. Puis là, l'autre était pas à finir l'épisode, okay, que l'autre avait commencé. Fait qu'on avait les deux, on mettait, tu sais, on écrivait ensemble, mais chacun notre bord un peu. Le vendredi, on faisait une script édition au téléphone, on lisait les scénarios, tu sais, ensemble, puis on faisait, OK, ah, ça c'est bon, OK, on fait ça, non, oh, hey, ça, là, là. On faisait la script édition en 2 heures, on faisait notre casting de même, hey, OK, on appelle lui pour ça. Le lendemain matin, on tournait. Un épisode, le samedi, on tournait un épisode. Le dimanche, on tournait le deuxième épisode. Le lundi, on repartait le même principe. On écrivait, un écrivait un, écrivait l'autre. Puis c'était comme ça pendant, je pense, la première saison, on a fait 10, 12 épisodes, quelque chose comme ça. Fait que c'est intense, ça, ouais. C'est quand même 6 semaines où on faisait ce scénario-là. Puis, fait hyper intense. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs en faisant c'est à ce moment-là. Show. À ce moment-là, précisément. On travaillait vraiment fort. On trouvait nos places où, tu sais, je connaissais un peu le quartier autour de chez Mike. Puis on faisait, OK, Saint-Lon, on l'a fait dans le vieux parc de baseball, tout déranché. OK, ça, on l'a fait au dépanneur. Puis on allait là-bas, on n'avait pas de permis, on n'avait pas de... On était, pas de demander pas des, d'autorisation. On avait juste un caméraman, un perchiste, le réalisateur qui était là. Nos comédiens, ouais. On s'était changés dans le portique de chez Mike. Tu sais, c'était vraiment fait à la bonne franquette, mais que mais c'est plaisir. Une liberté aussi, oui. Que tu retrouves peut-être pas ailleurs maintenant, dans vraiment des projets pas. plus cadrés, disons. Oui, tout à fait. Même le web, si tu fais des choses par toi-même, tu peux retrouver cette liberté-là, mais si, même le web aujourd'hui qui est encadré par ou qui est financé ou qui est encadré par des boîtes de production, tu ne retrouves jamais cette liberté-là. Ils ne vont jamais te laisser... Puis c'est peut-être correct aussi, mais tu sais, parce que quoi des fois, on peut aller n'importe où, mais ça laisse quand même, cette liberté-là a fait qu'on a trouvé des choses qu'on n'aurait pas pu trouver si on avait été encadré. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez faite avec le personnage de Poudy? L'affaire la plus bizarre, on n'a rien fait de tant bizarre que ça. Je veux dire, tu sais, on est des gens très polis puis tout ça. Fait que, ouais. On débarquait pas aux endroits. Tu sais, si c'était un endroit public ou un commerce, évidemment, on allait cogner avant puis on faisait, hey, on peut-tu tourner en avant de chez vous? On peut-tu. Fait qu'on n'a jamais rien fait de bizarre. À part des fois, mon personnage, j'aimais ça qu'il vole des affaires. Tu sais, il était kleptomane. Kleptomane. Ouais. Je mélange avec une émission de Musique Plus de l'époque. Puis, il était kleptomane, puis il volait plein d'affaires, puis il mettait dans ses culottes, puis tu sais, puis c'était... Fait que les affaires bizarres, c'était genre, des fois, j'improvisais, on tournait une scène d'un endroit public, puis j'improvisais, j'allais voler des choses. Mais personne ne le savait, c'est juste, je voyais un truc, une pelle sur un balcon, puis là, subtilement, je courais, je pognais la pelle, puis tu me voyais m'en aller, tu sais. On rapportait les affaires après, évidemment, mais c'était ça, tu sais, des affaires que j'avais pas averti personne, puis on improvisait. Mais on improvisait beaucoup. On écrivait chaque épisode. Puis la façon qu'on travaillait, c'est qu'on tournait nos scènes. On tournait la scène qu'on avait écrite comme on l'avait écrite. Mais après ça, on laissait rouler la caméra. Puis on poursuivait la scène. C'est ça. N'importe quoi après. Exactement. Ouais. Puis des fois, on ne gardait pas ces choses-là. Mais des fois, c'est là qu'on trouvait l'affaire. Puis la scène qu'on avait écrite prenait le bord. On gardait comme... T'sais, les deux phrases importantes pour suivre le récit. Ouais. Puis après ça, on gardait juste notre impro de 3 minutes qui était n'importe quoi, mais qui était l'affaire finalement drôle parce que justement, on était sans filet puis on savait pas trop. Puis c'était le moment, la magie du moment. Puis Mike est un gars hyper, t'sais, pas juste généreux dans le sens qu'il fait beaucoup travailler la relève ou il laisse la place aux gens qui en ont besoin. Il est aussi très généreux dans sa façon de travailler. Quand, admettons, j'avais des scènes où j'étais seul, Mike n'était pas... Dans sa loge, dans ouais, sa roulotte. Ben, il n'y avait pas, là. Mais... On habitait dans une roulotte, on c'était pas nos loges. Puis, il était à côté de moi, puis il me nourrissait, tu sais. Quand je sortais quelque chose qui était intéressant, mais que je n'exploitais pas, il faisait « Hey, ça », puis... C'est comme un coach. Quasiment, tu sais. Ouais. C'est vraiment un gars vraiment le fun à travailler, hyper généreux. Mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent ou te reconnaissent par Poudy. Et un autre personnage très important de ta carrière, c'est Benoît. Des fromages, le notamment. Gars des fromages d'ici. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il te colle encore à la peau, même si on est passé à autre chose? Oui, puis je honnêtement, je pense que ça va me suivre jusqu'à la fin, ce personnage-là. Tu sais, la publicité, ça a ça quand même de ça va partout, ça a toutes les stations de télé, à tout. Tu sais, il y a pas de démocratisation là-dedans, il y a pas de fait que ça puis étant donné que ça a quand même duré 5-6 ans. Ou peut-être même 7 ans, je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est quand même long dans le temps. Vraiment. Tu sais, ça a le temps de laisser sa marque, de créer un sillon. Fait que oui, je pense que ça va me suivre tout le temps. On me fait toujours un petit commentaire là-dessus, encore aujourd'hui. « Hey, tu vas-tu revenir dans une pub? Hey, tu vas-tu... Puis, hey, combien de sortes de fromages? » Tout le temps, un petit commentaire. et ça me y a, souvent, les gens me disent « T'es-tu tanné d'en entendre parler? » Puis jamais. Parce qu'il y a des rôles de porte-parole. Comme on peut rester avec les fromages d'ici, là, c'est Anthony Cavana qui est là, mais il y a Anthony Cavana en tant qu'Anthony Cavana. Alors que toi, t'étais un personnage. T'étais ouais. pas porte-parole de la marque. Non, pas pantoute. Donc, tu sais, même si les gens te demandent, hey, il y en a combien de fromages d'ici, je veux dire, tu jouais un rôle. Exactement. C'était pas, c'est pas ça. Martin Perizzolo. C'est ça, puis la beauté de ce personnage-là, c'est que je peux répondre n'importe quoi. Puis ça marche. Les gens, ils s'attendent pas à ce que tu aies la bonne réponse. Exactement. De toute façon. Fait que non, c'est oui, ça va me suivre, puis c'est je trouve ça bien fun pour ça. Puis c'est le début de la campagne, en fait, la majorité de la campagne a été créée par Cossette Québec, puis c'est le créateur de cette série-là, de Benoît, du personnage, c'est un gars qui s'appelle Yvon Brassard, qui est ici à Québec, puis qui est... tu sais, qui est un publiciste vraiment, je dirais, old school, tu sais, à ce qu'on me dit, parce que je n'ai pas vu travailler de proche du lundi au vendredi, mais on me dit, tu sais, que c'est quelqu'un qui, le matin, il rentre, il s'en va dans son... Il travaille, il écrit, il fait... Tu sais, c'est... Puis, tu sais, tout ça, en fait, là, tu sais, on m'associe le côté le fun de ça, mais c'est à lui que ça revient. Ouais. En fait, c'est lui qui a créé ça. Puis oui, j'avais mon input, puis il était hyper ouvert. Puis quand il y a des trucs que je voulais en ligne ailleurs, il me laissait cette place-là. Mais c'est lui qui a mis ça sur pied, en fait. Puis je suis vraiment privilégié d'avoir travaillé avec un gars hyper... intéressé à tout ce qui se fait. Tu sais, j'adorais avoir des conversations. On parlait de cinéma. Il m'enlignait sur des trucs vraiment spécifiques qui passaient sous mon radar. Tu sais, c'est vraiment un gars intéressé à ce qui se passe. Puis avec ses antennes, était vraiment grande. Puis ouais, ça a été une belle expérience à tous les niveaux, vraiment. Parce que ça a mis mon visage sur la map, mais ça les rencontres professionnelles que j'ai faites à travers ça ont été importantes. Aussi, les réalisateurs, tu sais, j'ai travaillé avec Jean-François Rivard, tu sais, qui était le réalisateur des Invincibles. À la base, c'est lui qui avait ce projet-là entre les mains. Puis moi, j'étais un fan des Invincibles. Alors, ça a été une des raisons pourquoi j'ai accepté le projet. Tu n'avais pas passé une audition? On te l'a demandé? J'ai passé une audition, mais... J'étais à un point où j'avais plus envie de passer des auditions pour de la publicité parce que je trouvais que ça revenait toujours à la même affaire. J'en avais fait quand même quelques publicités avant ça. Puis je trouvais que c'était un peu de la tapisserie, tu sais, quand t'es dans une coupe de pub à un moment donné qui roule, t'es comme juste un visage, tu sais, tu sors pas du lot. Fait que j'avais demandé à ce que ça soit à mon agence, si c'est une série de pub ou si c'est un produit intéressant, là, tu sais, vous pouvez me le dire. Pas être le gars qui veut un bas prix à l'épicerie, là. Ouais, tu sais, puis je sais pas que je crachais là-dessus, mais j'arrivais quand même à assez bien gagner ma vie pour pouvoir me permettre de plus faire ces productions-là. Et là, quand on m'est arrivé avec ça, ben il y avait justement Jean-François Rivard attaché au projet. C'était les fromages, toujours des belles publicités, les fromages, peu importe. Esthétiquement les aussi, époques, là. Oui, tu sais. Fait que j'étais allé passer l'audition. Puis là, quand j'ai lu le concept, je me suis dit, si il voit de la même façon que moi, je le vois, tu sais, je vais vraiment avoir du fun. Puis j'étais arrivé à l'audition, puis c'était ça. Tu sais, on voyait le projet, le ton du personnage de la même façon. Puis là je voulais l'avoir. Tu sais, je voulais qu'il me rappelle. Puis ça a fonctionné, puis tout ça. Après ça, j'ai travaillé avec Francis Leclerc, qui a pris la relève parce que Jean-François Rivard est parti travailler sur une série, il ne pouvait plus continuer. J'ai travaillé avec François Lallier, qui est un gars d'ici. J'ai fait la dernière série avec lui, François Lallier de Nova Film, un jeune réalisateur vraiment talentueux, vraiment trippant. Fait que j'ai fait des belles rencontres aussi à travers ça. Karine Lagueux, la comédienne qui jouait Émilie Mablonde. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, tu sais, ça a été un projet vraiment juste positif. Et le troisième personnage, disons, très marquant dans ta carrière, c'est Jean-François dans Les Beaux Malaises. Oui. Également, qui était carrément la troisième roue du carrosse. Oui, oui, la troisième roue. Puis, tu sais, il y a quelque chose de négatif quand on dit troisième roue, quelque chose de péjoratif un peu. T'es comme le reject, whatever. Puis, c'est un peu ça, sa force, en fait, d'être justement un peu toujours off, un peu toujours. Tu sais, il y a la dynamique qui se passe, puis il y a lui qui est là, qui traîne. Mais il est important quand même. Il est important, tu sais. Puis jouer un rejet, jouer quelqu'un qui est rejeté, des fois, ça vient difficile, mais il y a quelque chose de le fun. On a tous un loser en dedans de nous, tu sais. On a tous... fait que de faire ressortir ça, des fois, c'est comme on fouille dans les affaires, pas le fun, mais le fait d'en faire de la comédie, puis il y a quelque chose de bien thérapeutique, peut-être même là-dedans, tu sais. Ça a été un beau projet, évidemment. Tu sais, Martin et Matt, c'est quelqu'un qui est très... tu sais, le grand public aime vraiment beaucoup Martin. Puis, fait que ça a été une chance aussi, tu sais, dans ma carrière de pouvoir partager, tu sais, l'écran avec tous ces talents-là, tu sais. Et tu étais quand même dans la garde rapprochée, donc dans les rôles de soutien là, qui reviennent régulièrement. Oui, oui, oui, tout à fait, tu sais, tout à fait. Oui, tu sais, c'est le meilleur spot, là, tu sais. Puis j'étais un peu... des fois, il y a des trucs plus... des trames plus dramatiques qui se passent. Puis moi, il y en a pas... c'est pas... tu sais, c'est vraiment du comic relief. Puis c'est vraiment, tu sais... fait que c'est pour l'humoriste aussi, c'est le fun, là, tu sais, ouais, de faire ça. Ben, quoi que, je pense qu'il y a un moment ou deux quand même où t'es plus dans ouais, le côté dramatique, mais c'est bien aussi de savoir que quand nous, on va être là, ce sera pas lourd nécessairement, ouais, ou nous, on est là pour faire rire. Oui, oui, exactement. Puis, mais c'est le fun aussi d'avoir cette chance-là, d'avoir ce moment-là. Ça, c'est l'acteur là, qui parle, tu sais, c'est le ouais, fun de dire, hey, check, je suis capable aussi de mener une scène de, tu sais, de 10 minutes. De jouer qui des émotions. Ouais, c'est ça, tu sais, qui est plus touché, puis d'y aller en subtilité, puis de travailler ces affaires-là que j'ai pas la chance de faire beaucoup, tu sais. La comédie, je la vois, assez, j'aime pas le jeu gros, puis tout ça, puis la comédia dell'arte, c'est moins mon affaire, mais... puis j'essaie de jouer la comédie de la même façon que je jouerais le drame. Mais pour les gens, c'est pas évident tant qu'ils te voient pas jouer du drame que t'es capable de que jouer t'es capable du drame. D'en faire, ouais. Fait quoi? Fait que c'était une belle chance. Ça t'a permis de pouvoir montrer tes talents. Mais trois grands personnages, Jean-François dans Les Beaux-Malaises, Benoît dans La Campagne, Les Fromages ici, Poudy dans Le Gros Show également. Tout ça nous mène à la deuxième partie de cette entrevue avec Martin Perizzolo dans le cadre du Radioton de CKRL. Venez donc nous rejoindre, 405 3e Avenue, il reste de la place ici. On a ouvert le bar, je sais pas, ça peut peut-être être un argument, oui, oui, à 11h25. Le bar est ouvert, donc oui, n'hésitez pas à venir. Il reste des muffins aussi, puis des quelques viennoiseries aussi que j'ai vues qui ont l'air très appétissantes. Oui, on a de la belle glace fraîche aussi, oui, je sais pas. On essaie d'inviter les gens oui, le mieux possible. Là, honnêtement, il fait, ok, je sais que quand tu ouvres la fenêtre, c'est décourageant, oui, mais quand tu mets le pied dehors, c'est vraiment une journée agréable. Voilà. C'est vraiment. Puis la neige est collante. Quoi de mieux que ramasser une balle de neige puis la pitcher dans la face de ta blonde pendant que tu t'en. Non, non, mais elle est douce quand même. C'est pas de la glace. C'est de la neige. Mais si vous voulez de la glace, on en a ici. Bref, oui, venez nous rejoindre au 405 3e Avenue. Et au retour, eh bien, on poursuit cette entretien. Ouais, j'ai dérapé là-dessus. Martin Perizzolo. Désolé, on va Tania, te remettre dans le bon chemin pendant la pause. Martin, on va revenir à toi. Ça te dérange pas? Ah, ben, c'est correct. Parce que je rappelle que tu es en spectacle à Québec ce soir. Donc, oui, il reste des places. On peut se procurer des billets. Oui, oui, à la salle Albert Rousseau. Oui, et place mythique. Et c'est ton premier one-man show, malgré cette longue carrière depuis déjà une vingtaine d'années. Mon premier one-man show, en fait, on dit premier one-man show parce que c'est le premier one-man show qui se promène... en tournée. En là, tournée. Ouais. Mais j'ai quand même fait deux autres shows pour le Zoo Fest, qui est un festival un peu en marge de Juste pour rire à Montréal, tu sais, que j'ai capté puis que j'ai mis sur internet ouais, on peut sur ma page YouTube puis moi toutes mes réseaux sociaux c'est simple, c'est @periz P-E-R-I-Z-Z. Instagram c'est ça, Twitter c'est ça et mon YouTube c'est ça aussi. Puis et c'est un bon moyen de retenir comment s'écrit ton nom. Oui, parce que t'as les deux Z, deux après Z. Ça il serait juste O-L-O là. C'est ça. Là si après ça tu te mélanges là ça. C'est ça, l'inverse de LOL, tu sais, un moment donné. Exactement, c'est l'inverse de LOL, ce qui est pas bon pour ma carrière. Ça aurait été mieux LOL, ça aurait été mieux ça. LOL. Et voilà. Fait que c'est mon premier show qui part en tournée, qui est destiné à un public, un plus grand public. Plus large public, oui. Oui, c'est ça. Puis même si ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, je vais t'avouer que des fois, je me sens comme si ça fait 2 mois. J'apprends beaucoup. Je suis un gars quand même assez humble. J'apprends tous les jours. Mais cette expérience-là, je vais t'avouer que j'ai appris beaucoup. Puis j'ai encore, d'ici à la fin de la tournée, je vais continuer d'apprendre un paquet d'affaires sur justement le marché, sur travailler avec les diffuseurs, travailler avec des équipes aussi. C'est toute une autre affaire, tu sais. Et concevoir un show aussi qui s'adresse à un public plus large. Tu sais, quand tu fais des shows dans des soirées d'humour ou dans des places comme le Bordel, cocktails ou des places où c'est vraiment des fans d'humour qui viennent voir, c'est une chose. Puis quand tu t'en vas vers un public plus large, qui, tu sais, c'est un autre ton. Les deux sont, ils devraient pas être si loin que ça. Ils sont pas si loin, mais il y a quand même des différences. Il y a des trucs à faire attention, tu sais. Mais est-ce que c'est difficile d'être sur scène et d'être toi-même quand je voulais qu'on parle des personnages marquants, justement parce que quand on te voit, peut-être qu'on a cette image des personnages, mais qui ne sont pas toi nécessairement, surtout Benoît des Fromages ici. Est-ce que les gens s'attendent à voir ça? Est-ce que c'est difficile après de dire non, c'est moi, Martin Perizzolo, et voici ce que je fais sur scène? Ouais. Est-ce que c'est difficile? Non, parce que moi, tu sais. Même s'il y a des gens qui me connaissent, on va dire uniquement à travers ces personnages-là, on va dire qu'ils connaissent uniquement Benoît des Fromages. Ben, ces gens-là, c'est tout ce qu'ils voient de moi. Mais moi, tu sais, je continue à vivre en dehors de ça. Ben oui. Puis moi, je me vois moi. Fait que moi, j'étais habitué à être avec moi quand même. Fait que c'est pas difficile pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a une appréhension. C'est vrai que les gens. Pour le public, c'est ça. Il y a des gens qui savent pas de quoi. Je pense que la plupart des gens savent que ça sera pas Benoît. Mais ils savent pas à quoi s'attendre. Ouais. Puis il y a des gens peut-être qui s'attendent à ce que ça soit Benoît. Eux autres, on leur souhaite bonne chance. mais le feedback que j'ai, puis tu vas me dire c'est biaisé parce que les gens qui auraient un mauvais feedback, peut-être qu'ils restent pas pour me le dire là. Mais le non, mais ils peuvent te l'écrire ils après. Ils peuvent me l'écrire après. Ça gêne pas les gens. C'est vrai, mais ils le font pas, je le reçois pas de ce qu'on me dit puis ce qu'on m'écrit principalement, c'est quelle belle découverte, tu sais, on savait pas trop à quoi s'attendre, puis on a vraiment aimé ça, on a découvert l'humoriste derrière ces personnages-là. Puis tu sais, t'es pas conscient. T'sais, moi, je me connais, comme je dis. Je vis avec moi. Fait que moi, pour moi, c'est... C'était qui, là? Exact. Ouais. C'est normal. Puis je fais des shows depuis 20 ans. Fait que, tu sais, je me dis... Mais évidemment, non. Tu sais, le grand public, ils me connaissent pas comme humoriste. Fait que c'est ça. Pour eux, c'est une découverte. Puis... c'est correct, c'est le fun, ça se passe bien. À date, ils ont l'air contents. Fait que tant mieux. Mais quand même, après 20 ans, d'être une découverte, t'sais, de voir être... de peut-être faire ce travail-là de promotion, mais pour un autre rôle. Est-ce que ça te va ou tu trouves ça difficile? Je trouve pas ça difficile. Je trouve pas ça difficile. Parce que, honnêtement... Je pars avec une certaine longueur d'avance, on va dire, sur quelqu'un que d'autres n'ont pas, oui. Tu sais, il y a au moins qui, je les ai fait rire à travers une autre affaire, à travers un personnage. Fait que déjà, il y a quelque chose, j'ai gagné un peu là, déjà, tu sais, j'arrive déjà avec des points de... Ouais. De... Quand ils regardent la programmation de la salle, ils reconnaissent. Ils reconnaissent, c'est ça. T'sais. Fait qu'on va dire, à découverte égale, j'ai un petit edge, excusez l'anglicisme. J'utilise beaucoup l'anglicisme, je suis désolé d'ailleurs. Je m'excuse. Ça va, jusqu'à maintenant. Oui, pas trop, ok, merci. Ouais. Mais je trouve pas ça difficile. Quand t'en prends conscience que tu refais ce travail-là, que tu sais, j'aurais pu faire il y a 15 ans ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans même, là, t'sais, si j'avais eu la mauvaise idée de tout de suite faire un one-man show en sortant de l'école à 19 ans. Mais c'est confrontant un peu de réaliser ça, de prendre conscience. Mais une fois que tu fais « Ah, ben oui, puis c'est normal », tu intellectualises ça, puis tu fais « Ben oui, les gens me connaissent à travers ça, ils connaissent pas ». Puis j'ai pas fait beaucoup de shows télé d'humoristes, en fait, dans les dernières années. C'est pour ça que j'étais allé vers j'ai développé le métier d'acteur. J'aimais pas les captations télé d'humoriste, t'as souvent juste 6 minutes pour faire ton truc. Puis tu passes à travers un filtre de la télé qui est biaisé. On se transforme pour passer à la télé. Ouais. On a l'impression qu'on peut pas vraiment être nous-mêmes. On essaie de polir tout. Puis la vérité, c'est que je suis à mon meilleur, pas quand c'est tout poli, quand c'est... Il y a des trucs qui sont bruts, il y a des trucs qui sont crus dans mon humour, que si t'enlèves ça, ben t'enlèves une bonne partie de ce qui est bon. Fait qu'à chaque fois que je faisais des captations télé, des shows d'humoristes, j'aimais pas ça. Je trouve ça... Ça rend mal. C'est ça. Puis c'est pour ça, donc, que j'ai développé le côté acteur, parce que je me suis dit, je veux quand même me faire connaître, puis je veux qu'on voit mon visage, je veux pouvoir subvenir à mes besoins aussi. Mmh. Puis c'est pour ça aussi que j'ai produit moi-même mes captations de shows que je faisais puis que j'ai mis sur mon YouTube gratuit, puis parce que je voulais que les gens voient qu'est-ce que je fais sur scène, tu sais, pas à travers le filtre de quelqu'un d'autre, mais à travers mon filtre. C'est moi qui produis, c'est moi qui fais le montage à la fin, tu sais, c'est moi qui décide de quoi ça va avoir l'air, puis tu sais, fait que tu gardes le contrôle sur ton image. Exactement, tu sais, puis enlever ce filtre là qui je trouve déformait, puis me rendait pas justice, puis rend pas justice à tout le monde. Il y a des gens à qui ça rend justice parce qu'ils fitent dans ce moule-là. Ouais. Moi, je fitais moins, comme d'autres humoristes non plus fitent moins dans ce moule-là. Mais ton humour a besoin de peut-être de mise en contexte plus que quelqu'un qui va juste faire des liners. Dépendant. Qu'on peut monter même et formater dans un 5 minutes et on va rire. T'sais. Oui, exactement. Mais la plupart de mon humour, j'en fais aussi des liners, puis j'en fais aussi des affaires qui sont vraiment légers, puis des lieux communs parce que je suis pas meilleur qu'un autre. Puis tu sais, mon but aussi, c'est de faire rire. Mais quand je m'attaque à des sujets qui sont peut-être un peu plus, tu sais, admettons, tu parles d'environnement ou tu peux rester en surface, mais si tu veux aller un peu plus en profondeur, si tu veux faire un peu de réflexion, veux pas, évidemment, ça prend des mises en contexte, comme tu dis. Puis ces mises en contexte-là, ben il faut les faire. Puis pendant que t'es fait, t'es pas en train de puncher. Le punch, il s'en vient, tu sais, il va en avoir, mais pendant que tu fais la mise en contexte, les gens... Puis, évidemment, j'essaie que ça soit intéressant, même s'il n'y a pas de punch pendant 1 minute 30, j'essaie que ça soit quelque chose d'intéressant, puis il faut que ça soit important aussi là, à dire. Mais oui, évidemment, tu sais, ça se monte moins bien que quelqu'un qui fait juste du liner, un punch, une ligne, un punch, une ligne, un punch. Parce que dans un 6 minutes, c'est 1 minute et demie, pas de punch. C'est beaucoup. T'as l'impression qu'il se passe rien. Exactement, tu sais. Parce que puis c'est tout à fait normal, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là dans ma carrière de développer le côté acteur, puis de capter moi-même mon travail comme humoriste, puis le mettre en ligne. Mais t'as développé le côté acteur, t'es évidemment humoriste, t'as été auteur aussi, tu nous le disais, pour Un gars, une fille. Qu'est-ce que toi, tu voulais faire vraiment là, quand t'es allé à l'école de l'humour? En fait, moi, c'est quoi ton objectif premier, là, ton t'sais, rêve? Tu sais, j'ai fait l'école de l'humour à 18 ans, donc c'est dur de parler d'objectifs à cette époque-là parce que, tu sais, les objectifs qu'on a sont souvent pas basés sur des bonnes informations, c'est basé sur des impressions qu'on a du métier. Je faisais de l'improvisation beaucoup. Moi, je viens de l'école de l'improvisation. Hein. Ça a été mon école. J'en ai fait. J'ai fait des choix de vie très jeunes liés à l'improvisation. Tu sais, quand mes parents ont divorcé, j'ai décidé d'aller vivre avec ma mère et non mon père parce que je pouvais faire de l'impro avec ma gang. Puis, tu sais, c'était vraiment une religion. C'était important. Puis le chemin, on dirait normal, c'était d'aller dans les écoles de théâtre. C'était ça le chemin. Puis j'ai fait mes auditions pour aller dans les écoles de théâtre. Puis toutes les écoles m'ont répondu la même chose. C'était, on sent que t'as quelque chose, on sent que t'as du talent, mais on sent que t'es pas assez mature pour faire une formation, entreprendre une formation de 4 ans. Fait qu'on t'invite à prendre de l'expérience de vie, puis de revenir nous voir dans 1 an, dans 2 ans. Ça, c'est les écoles m'ont toutes répondu ça. Mais tu sais, quand t'as 18 ans, tu fais, hey, c'est pas toi qui va dire, tu sais, qui va dire c'est quoi mon chemin. L'école de l'humour était là, fait que j'ai fait mes auditions à l'école de l'humour tout de suite après avoir fini mes auditions en théâtre. J'ai fait mes auditions à l'école de l'humour. Puis je sais pas si c'était le fait d'avoir fait 4 auditions dans les écoles de théâtre en ligne. Le fait, ça s'est super bien passé. Ils m'ont accepté. La formation était 1 an. Fait que j'ai fait l'école de l'humour. J'ai atterri un peu là par hasard, tu sais. Puis c'est là que j'ai découvert l'écriture. Puis quand je suis sorti de l'école à 19 ans, je savais que je voulais pas tout de suite sortir un show, devenir humoriste, mettre ça de l'avant, j'avais rien à dire. Je trouvais que c'était une responsabilité de dire aux gens, achète un ticket, viens me voir. Ouais, mais c'est bien de le savoir que t'as rien à dire, parce qu'il y en a qui se lancent là-dedans, ils ont rien à dire, mais ils le font quand même. Mais c'est correct aussi, mais parce que je le faisais quand même aussi, mais je le faisais à un degré plus, tu sais, dans des soirées, tu sais, dans des bars, où je voulais continuer à le faire pour prendre de l'expérience, puis c'est correct, c'est pas grave, tu sais, parce qu'il y a quelque chose de bien aussi, même si t'as rien à dire, des fois, moi, j'en écoute des choses qui disent rien, tu sais, puis j'en ai besoin, tu sais, des fois, de juste débrancher mon cerveau. Puis rire pour rire, ça a une valeur autant que, tu sais, que quelqu'un qui a un propos ou quoi que ce soit, je pense, tu sais. Ce que je pensais pas à l'époque, mais aujourd'hui, tu sais, on m'a remis à ma place, puis c'est ce que je pense maintenant. Puis, mais bref, je savais ça, puis j'avais quand même envie de gagner ma vie, puis d'apprendre sur mon métier, puis écrire pour la télé, c'était une belle façon de le faire. Mm. Tu sais, écrire, c'est un muscle, Puis c'est quelque chose qui s'apprend en le faisant. Donc, c'était un chemin, un chemin que je trouvais bien le fun, qui me permettait d'enlever de la pression sur le fait de faut que je gagne ma vie en faisant des shows. Parce que, tu sais, quand t'as plus le choix de faire des shows pour gagner ta vie, puis t'as plus le choix que ça fonctionne, tu prends moins de risques, t'explores moins, tu découvres. Ça prend plus de temps à découvrir qui t'es comme humoriste. Mais il y a aussi que les soirées, par exemple, si tu veux faire un show à chaque soir, il faut que tu ailles dans les bars. Puis c'est un autre coup, c'est assez exigeant, c'est tard. Puis à cette époque-là, il y avait pas, tu pouvais pas faire. Tu sais, si je faisais 3 shows dans un mois, là, c'était un bon mois. OK, ouais. Tandis qu'aujourd'hui, je peux faire 3 shows dans la même soirée. Tu sais, il y a tellement de soirées laboratoires. Il y a une jeune génération d'humoristes qui vraiment m'inspire. Puis à Québec aussi, ça commence. Il y a vraiment une scène locale qui commence à émerger. Mm. Puis plein de soirées qui poussent un peu partout. Puis des jeunes talents qui veulent faire ça, puis qui ont faim, puis qui ont goût, puis qui sont bons, puis sont beaux à voir, vraiment. Là, j'ai fait des shows avec eux autres il y a un mois, puis j'ai passé une super soirée. Je suis parti de là sur un gros high, c'est le fun, tu sais. Puis ils montent des soirées, puis tu sais, vraiment, là, de faire 3 shows dans une soirée, là, c'est un outil incroyable. Le numéro au début de la soirée, il y a quelque chose, puis à la fin de ta soirée, là, il a tellement avancé, il est tellement rendu ailleurs, puis c'est fou au rythme auquel tu peux aller aujourd'hui. T'sais. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de savoir si ton numéro fonctionne ou non, c'est de le faire devant des gens. Exactement, tu sais. Puis de le répéter, puis de l'approfondir, puis à un moment donné, de te permettre de jazzer, puis d'improviser une affaire qui. Puis ça prend tout un. Puis trouver le timing d'un gag, c'est la première fois qu'on fait un numéro, qu'on fait des nouvelles blagues, on connaît pas les timings, tu sais, on ne sait pas. Il faut savoir comment. Tu sais, puis ça s'approfondit en, justement en le faisant. Tu sais. Et ton spectacle s'appelle Nous. Ouais. Et donc il y a vraiment cette notion de très collectif dans une période où on a l'impression que la société c'est plus le je que le nous. Oui, mais c'est pour ça aussi que j'ai décidé de mettre ce titre là. Puis tu sais, j'avais des ambitions, c'est un show que j'ai écrit avec des ambitions en fait, tu sais. C'est quand même particulier. J'avais fait ça pour l'autre show que j'ai mis en ligne aussi qui s'appelle Q, qui parlait de sexualité, parce que j'avais jamais parlé de sexualité, abordé ce sujet-là, puis c'était devenu un tabou, fait que j'ai décidé d'écrire un show juste là-dessus. Puis il y avait une ambition, tu sais, c'était un exercice de style. Je vais juste parler de sexualité, puis je vais dire tout ce qui me passe par la tête là-dessus. Puis là, ce spectacle-là, c'était plus à saveur sociale, puis je parle un peu de l'environnement, de la planète, de surconsommation, à travers des thèmes comme la mode, la nourriture, tu sais, l'électronique, les affaires, tu sais, il y a même une mode avec l'électronique ou ça. Je parle de l'image dans le show. Je reviens sur mon expérience à Expédition Extrême. Ouais. Tu sais, parce que je trouve que c'est un thème intéressant, c'est l'image. Tu sais, mon image a été mise à mal, a été, tu sais, puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quelque chose. Comme cette expérience-là a pris des L'ampleur, proportions qui ont pas de sens. Mais on parlait de contrôler ton image tout à l'heure avec toi-même faire la production, alors que là, tu avais zéro contrôle. Zéro contrôle, puis tu sais. Fait que, c'est tous ces thèmes-là que j'exploite dans ce show-là. J'avais cette ambition-là. Je pense pas refaire ça la prochaine fois. Je pense que mon prochain show, j'ai envie d'aller vers quelque chose de qu'est-ce qui me fait rire, puis c'est tout. Parce que c'est beaucoup se mettre des bâtons dans les roues, là, de dire, tu sais, les thèmes. Oui, puis des thèmes comme l'environnement, c'est des thèmes qui sont pas drôles à la base, là. Tu peux faire quelques gags là-dessus, mais ça vient vite déprimant, là. Tu sais, on pense aux vidéos qu'on voit avec le plastique qui flotte dans l'eau. Ouais. On voit les ouragans qui arrivent en format Costco, puis, tu sais, on se pose des questions. C'est quand même, même si on veut pas le regarder, je veux dire, c'est la planète sur laquelle on marche, puis, ça vient vite déprimant, ça peut venir vite lourd, tu sais, fait que je trouve que je me suis mis des bâtons dans les roues de vouloir parler de toutes ces affaires-là, puis le prochain show, ça va être juste qu'est-ce qui me fait rire, tu sais, je vais travailler dans mon équipe, un peu plus. Pis ça reste un show drôle, le show de nous, là, je fais rire, puis il y a des affaires, c'est des jokes très grasses, là, il y a des affaires, mais j'avais ces ambitions-là, tu sais. Mais est-ce que tu voyais ça peut-être un peu comme la responsabilité du personnage public, tu sais, de peut-être dénoncer cette situation-là, essayer de faire changer les choses, ou c'est juste que ça te tient à cœur, t'avais envie d'en parler? Ça me tient à cœur, oui. Je voyais pas de responsabilité sociale parce que je fais pas la morale, puis je pointe pas personne du doigt. C'est mes agissements, en fait, que je regarde de près. Mais juste, moi, ça me tient à cœur. Ça me, c'est plus ça me tient à cœur. Puis j'avais envie de, après avoir, tu sais, même si c'est présenté comme mon premier show, il reste que c'est mon troisième œuvre, on va dire, de scène. Même si les deux autres étaient des trucs un peu plus underground, il reste que l'autre show d'avant, ça parlait de sexualité. Puis je trouvais que la réponse à ça, c'était de d'avoir ces ambitions là, d'aller vers quelque chose d'un peu plus social, puis d'un peu plus c'est ça, tu sais. Peut-être naïvement, tu sais, je pense que j'ai l'espoir, tu sais, d'essayer de changer le monde, mais c'est de la grosse naïveté, tu sais, que je vais, je pense, garder toute ma vie. Je sais que je pourrais jamais changer le monde. Puis peut-être que j'ai envie de dire ces choses-là pour les entendre soir après soir, puis que ça... Te que convaincre les toi-même. Les intégrer, ouais, puis me convaincre moi-même, puis changer moi à travers ça, tu sais. Je sais pas trop, là, tu sais, ça, c'est tous des sujets que je devrais plus parler avec mon psychologue. Oui, plus qu'avec moi. mais qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que t'es prisonnier un peu de, justement, la technologie ou de la mode, de la consommation? Quand même, parce que la mode, tu sais, une image publique, bon, clairement, aujourd'hui, ça paraît pas là que je suis prisonnier de la mode. C'est quand même bien, ça fait décontracté là, décontracté, décontracté. Samedi, c'est parfait. Mais c'est toutes des choses. Mais on l'est tous un peu, non? Oui. On l'est tous un peu, même quand on la rejette, ça reste, ça reste une position qu'on prend face à ça. Tu sais, ça reste un, on l'est tous, le téléphone, la technologie, on n'a plus le choix. Tu sais, on me posait la question dans un podcast récemment, est-ce que tu peux travailler par d'ordinateur? Pourrais-tu travailler pas d'ordinateur? Tu sais, admettons, t'es un humoriste super drôle. Est-ce que tu pourrais... Tu sais, moi, j'écris des trucs encore au crayon des fois, là. Tu sais, mais je pourrais pas travailler pas d'ordinateur. Je book mes shows à travers, tu sais, avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Je fais ma promo à travers ça. Je parle à mes proches à travers ça. Ouais. Tu sais, oui, j'en suis prisonnier, tu sais. Et d'ailleurs, c'est surprenant, t'as pas ton sel sur la table. Non. Là, présentement, il y a aucun. Je l'ai même pas sorti. Je l'ai sorti avant l'émission pour faire sur mon Instagram, faire un stories. Puis après ça, je l'ai resserré dans mes poches. Je l'ai même pas sorti pendant l'intermission. Faut dire, je riais de toi qui boit du thé. Qui m'essuyait le thé. Ça, j'aurais aimé ça, capter ça. Malheureusement. Et là là. Ouais, j'aurais pu gagner 10 000 $ oui. America. Fun vidéo. Fun vidéo, oui. Mais justement, ta relation aux réseaux sociaux, Instagram, t'aimes bien les petites stories. On est capable de te suivre, entre autres, en tournée. Moi, j'avais été marqué entre des belles images de la Gaspésie. Eh oui, ah oui, mais ça... Ah ben, vois-tu, c'est pour ça, quand tu parlais, tu sais, c'est des affaires qui touchent la nature. Moi, c'est ça qui me fait capoter, tu sais, c'est la nature, voir la beauté de... Puis on a une belle province, on a vraiment... J'ai eu cette chance-là de voir. Mais oui, tu sais, puis j'ai apprivoisé ça, je sais pas trop. Je suis pas très agressif, en fait, là-dessus. Tu sais, même ma page Facebook, je poste pas des affaires à tous les jours. Tu sais, si tu me suis, je vais pas te bombarder. Twitter, je plus je retweet plus que je tweet. Instagram, des photos une fois de temps en temps, des stories quand je vois des affaires comiques, des fois quand j'y pense, mais faut que je développe le réflexe, tu sais, c'est quelque chose, je me force à le faire. J'aime regarder ce qui se passe autour aussi, je suis de cette école-là, tu sais, que la vie, elle se passe devant moi, puis je trouve qu'on regarde plus assez dans les airs, on regarde beaucoup à terre, puis je me force à regarder le ciel, une fois, puis ça fait du bien au moral. Au coup aussi. Oui, au coup aussi. Puis j'apprivoise ça. Ça fait partie de mon travail. J'ai pas le choix, tu sais. Puis tu vois, les jeunes les jeunes humoristes, puis ils sont bons là-dessus. Puis j'apprends d'eux autres. Puis, tu sais, il y a un gars comme Arnaud Soli, tu sais, que des fois, quand je fais des shows avec, tu sais, je fais, hey, telle affaire, t'as fait, montre-moi, tu sais, Julien Lacroix, tu sais, hey, telle affaire, ça, c'est hot, tu sais. Puis on en parle, puis tu sais, ils apprennent à mon oncle comment arranger ça là. Mais mon oncle Pirizzolo, merci beaucoup. Merci Tania. D'être venu au Radioton, d'avoir fait une story d'ailleurs, donc les gens peuvent voir notre environnement. Ben oui, puis il faut encourager le Radioton. J'invite les gens, je l'ai pas fait encore, on a juste parlé de moi qui est hyper, mais il faut appeler au 418-640-2575 pour les dons. C'est important de le faire parce que cette radio-là, si elle n'existe pas, il y a un paquet d'affaires qui disparaissent, tu sais, puis ça fait partie du paysage, il faut que ça fonctionne. J'étais très content d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Tu sais, on se connaît un peu en dehors, puis on n'a jamais le temps de se voir, ben là, on a eu le temps de jaser. C'est plus moi qui ai jasé de moi. La prochaine fois, je me reprendrai. Ben, c'est toi, parfait. C'est moi qui vais jaser pendant une heure. Martin Perizzolo, merci beaucoup. Ce soir, c'est à l'Albert Rousseau. On va s'acheter des billets et on assiste à ton spectacle. Sinon, prochaine fois, et on te regarde avec Marie-Pierre Morin dans son émission Marie-Pierre à Z. Oui, à Z, qui la troisième saison, on a tourné. Puis tu sais, tu dis, viens voir à soi, on achète des billets. C'est cool si tu as l'argent pour... Mais avant, c'est le radioton qui compte. mets ton argent là-dessus. Puis après ça, si il te reste du bonus, tu viens voir le show. Excellent. Ben, très bon vendeur. Merci beaucoup, Merci. Martin. Merci.